Nombre chapitre 22. Puis les enfants d'Israël partirent, et campèrent dans les campagnes de Moab, au-dessous du Jourdain de Jéricho. Or Bala, fils de Tsippor, vit toutes les choses qu'Israël avait faites à l'Amoréen. Et Moab eut une grande frayeur du peuple, parce qu'il était en grand nombre, et il fut extrêmement agité, à cause des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant cette multitude broutera tout ce qui est autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe du champ. » Or, en ce temps-là, Bala, fils de Tsippor, était roi de Moab, lequel envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, en Pétor, situé sur le fleuve, dans le pays des enfants de son peuple, pour l'appeler, en lui disant, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, voici, il couvre le dessus de la terre, et il se tient campé tout proche de moi. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être que je serai le plus fort, et que nous le battrons, et que je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu béniras, sera béni, et que celui que tu maudiras, sera maudit. » Les anciens donc de Moab s'en allèrent avec les anciens de Madian, ayant en leurs mains de quoi payer le devin, et ils vinrent à Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Bala. Et il leur répondit, « Demeurez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse, selon que l'Éternel m'aura parlé. » Et les seigneurs des Moabites demeurèrent avec Balaam. Et Dieu vint à Balaam, et dit, « Qui sont ces hommes-là que tu as chez toi ?» Et Balaam répondit à Dieu, « Bala, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi, en disant, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, et qui a couvert le dessus de la terre, viens donc maintenant, maudis-le-moi, peut-être que je le pourrai combattre, et que je le chasserai. » Et Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Et Balaam, s'étant levé dès le matin, dit au Seigneur qui avait été envoyé par Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. » Ainsi les seigneurs des Moabites se levèrent, et revinrent à Bala, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Et Bala envoya encore des seigneurs en plus grand nombre, et plus honorables que les premiers, qui étant venus à Balaam, lui dirent, « Ainsi a dit Bala, fils de Tsippor, je te prie, que rien ne t'empêche de venir vers moi. Car certainement je te récompenserai beaucoup, et je ferai tout ce que tu me diras, je te prie donc, viens, maudis-moi ce peuple. » Et Balaam répondit, et dit aux serviteurs de Bala, « Quand Bala me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai point transgresser le commandement de l'Éternel mon Dieu, pour faire aucune chose, petite ni grande. Toutefois, je vous prie, demeurez maintenant ici encore cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire. » Et Dieu vint la nuit à Balaam, et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, et t'en vas avec eux, mais quoi qu'il en soit tu feras ce que je te dirai. » Ainsi Balaam se leva le matin, et sella son ânesse, et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il s'en allait, et l'ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or il était monté sur son ânesse, et il avait avec lui deux de ses serviteurs. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, et qui avait son épée nue en sa main, et elle se détourna du chemin, et s'en allait à travers champs, et Balaam frappa l'ânesse pour la faire retourner au chemin. Mais l'ange de l'Éternel s'arrêta dans un sentier de vigne, qui avait une cloison de ça, et une cloison de là. Et l'ânesse ayant vu l'ange de l'Éternel, se serra contre la muraille, et elle serrait contre la muraille le pied de Balaam, c'est pourquoi il continua à la frapper. Et l'ange passa plus avant, et s'arrêta en un lieu étroit, où il n'y avait nul chemin pour tourner à droite ni à gauche. Et l'ânesse, voyant l'ange de l'Éternel, se coucha sous Balaam, et Balaam s'en mit en grande colère, et frappa l'ânesse avec son bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait, que tu m'aies déjà battu trois fois ?» Et Balaam répondit à l'ânesse, « Parce que tu t'es moqué de moi, plus à Dieu que j'eusse une épée en ma main, car je te tuerai sur le champ. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, sur laquelle tu as monté depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Ai-je accoutumé de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non, Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, et qui avait en sa main son épée nue, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà par trois fois ? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, parce que ta voix est devant moi une voix détournée. Mais l'ânesse m'a vu et s'est détournée de devant moi déjà par trois fois, autrement, si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'eusse même déjà tué, et je l'eusse laissé en vie. » Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais point que tu te tinses dans le chemin contre moi, et maintenant si cela te déplaît, je m'en retournerai. » Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je t'aurai dit. » Balaam donc s'en alla avec les seigneurs envoyés par Bala. Quand Balak apprit que Balaam venait, il sortit pour aller au-devant de lui, en la cité de Moab, sur la frontière d'Arnon, au bout de la frontière. Et Bala dit à Balaam, « N'ai-je pas auparavant envoyé vers toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Est-ce que je ne pourrais pas te récompenser ?» Et Balaam répondit à Bala, « Voici, je suis venu vers toi, mais pourrais-je maintenant dire quelque chose de moi-même ? Je ne dirai que ce que Dieu m'aura mis dans la bouche. » Et Balaam s'en alla avec Bala, et il vint en la cité du Tsot. Et Bala sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam, et au Seigneur qui était venu avec lui. Et quand le matin fut venu, il prit Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, et de là il vit une des extrémités du peuple.